Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau débat de confinement. Alors cette semaine, on n'est que trois, donc il y a moi-même, il y a Nico, alias Sweep. Salut tout le monde. Et on a le droit également à Adrien. Salut tout le monde. Alors, bon, qui dit débat de confinement dit émission un peu à part. Aujourd'hui, on va faire un grand débat sur est-ce que les super-héros doivent travailler pour une organisation, pour un gouvernement et compagnie, parce que c'est un sujet qu'on peut voir énormément dans les comics, que ce soit chez Marvel, chez DC, chez Dynamite avec The Boys, et j'en passe. Et on commence à voir également ce sujet dans les mangas avec One Punch Man, My Hero Academia, et peut-être aussi d'autres choses. Et donc, c'est l'occasion de faire un grand débat sur un seul thème, mais avec plusieurs plateformes différentes. C'est est-ce que les super-héros doivent être affiliés à un gouvernement ou à une organisation? Qu'est-ce que vous en pensez là, comme ça, sans rentrer dans le débat déjà, vous autres? Ok. Alors de base, parce que tu me penses gouvernement, je pense Civil War directement, je réponds non. Mais après, c'est une vraie question sur laquelle il faut réfléchir. Et pour ma part, pour un gouvernement, je dirais non. Mais pour un organisme à part ou pour une société privée, pourquoi pas? Ah, je sens que le débat va être animé et super intéressant. Parce que je suis à l'inverse de vous. Je suis plus pour qu'il soit affilié à un gouvernement qu'à une organisation. Je vais commencer par déballer mes arguments. Pour le gouvernement, parce que c'est un pouvoir en place jugé par le peuple. C'est le peuple qui élit le gouvernement en place, et c'est après le gouvernement qui gère ce côté-là. Alors que dans une organisation, on peut avoir des travers, comme on peut voir dans The Boys, tout simplement, où les héros sont affiliés pas à un gouvernement mais à une société, et les héros hors caméra font juste n'importe quoi, et ça en devient même des anti-héros, voire même des super-vilains. Donc voilà, je pense que le fait que ça soit affilié à un gouvernement peut paraître la chose plus stable. Ouais, mais alors quand t'as des gouvernements pourris, excuse-moi, mais bon, ça met un peu... Enfin, ça légitime la violence gratuite, en fait. Tu vois, s'il y a des gouvernements qui useraient de ce pouvoir à tort et à travers, en fait, tu pourrais presque rien dire. Tu comprends le point de vue? Parce que, bon, moi, je vois mal les États-Unis avec Trump avoir des super-héros à son gouvernement, enfin, à son commandement, tu vois. Ah, mais ça existait, ça s'appelait les Dark Avengers. Ouais, ben voilà, on a vu que tu vois, c'est plus pour ça où je me dis non, c'est une mauvaise idée, tu vois. Qu'une société ou un organisme foncièrement bon, tu vois, il va justement pouvoir dire sur telle ou telle action, ben, être juste, tu vois, et ne pas prendre parti. Mais tu vois, le problème de l'organisation, c'est que l'organisation est là pour gagner de l'argent, en fait. Elle n'est pas là pour... Elle va sortir des produits dérivés et compagnie. C'est important pour eux. L'image de marque, les films, des produits dérivés. Et donc forcément, qui dit argent dit d'un côté... Ouais, mais l'argent, tu l'as pas. Que ce soit dans le gouvernement ou... Enfin, l'argent, de toute façon, ça sera toujours... Pareil. Tu dis qu'un super-héros est un fonctionnaire, ça passe mieux que dire que le super-héros est géré par Microsoft ou par Apple. Tu vois, on te dirait que le super-héros est géré par Apple, tu dirais « Oh merde, putain, merde, on va devoir payer masse de thunes pour que le super-héros puisse venir. » Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais... mais c'est différent, parce que du coup, tu vas devoir payer pour qu'un héros vienne. C'est pas forcément Ouais, mais c'est alors d'un... que si un organisme est peut-être lié à des états ou. Après, moi, de base, moi, quand je pense à utiliser des super-héros pour un organisme, c'est genre l'ONU. C'est tous les gouvernements qui ont une place là-dedans pour autoriser tous les trucs. Mais au moins, tu n'as pas un gouvernement qui aura l'avantage sur l'autre, et ça, ouais, c'est au service de c'est tous. C'est ça qui fait peur, tu vois. Et puis, surtout, même de base, par exemple, moi, je relisais les Avengers Time Runout, par exemple. Ben, le problème, c'est que si tu commences à prendre qu'ils sont affiliés pour un gouvernement, mais qu'ils doivent agir à l'international, ben, techniquement, pour traverser certains territoires ou autres, il faut qu'ils aient des accords, sinon ça commence déjà à déclencher des guerres et compagnie. C'est tout le problème. Soit ils sont affiliés à rien, et donc ils sont total nomades, et du coup, ils s'en foutent un peu des lois, soit ils sont affiliés, mais à tout à la fois, sinon ben, ça commence à devenir un peu le bordel pour tout gérer, quoi. Ou sinon, ils ont juste leur territoire à gérer, et le reste, ils en ont rien à foutre. Mais le problème de les mettre sur un gouvernement, c'est que ça devient plus une armée que des héros. C'est ça. Et c'est là-dessus, vous pouvez avoir raison. Après, c'est vrai que côté de l'ONU, on le voit dans... Alors, c'est pas un exemple concret. Je risque de me faire crier par... Il y a certaines personnes qui risquent de me crier dessus. Mais le fait que des super-héros soient affiliés à l'ONU, c'est arrivé dans Captain America Civil War, le film. Où ils signent la charte de je sais plus la ville de mes couilles qui s'est fait éclater dans Avengers Age of Ultron. Ils signent, ils sont affiliés Varsovie, c'est ça, merci. C'est ça, les accords de Varsovie, me semble. Non, c'est pas la Sokovie. Sokovie. Parce que ouais, la Varsovie, c'est une vraie ville. Oui. Ouais, mais bon. Sans Russie, ça passe. C'est en Pologne, Varsovie. Fais gaffe, merci, attention, tu vas nous mettre en colère tous nos fans polonais, si on en a. Oh, c'est moi, il a géo, quoi. Donc, donc c'est vrai qu'il y a les accords de Sokovie sur sur Captain America Civil War, et les héros sont quand même pas d'accord avec ça, parce que les héros changent, enfin les gouvernements changent, et les têtes de l'ONU changent également. Tu vois que toutes les têtes des gouvernements ils sont pourris, c'est bien là le problème. C'est que tu peux avoir, tu vois, vouloir faire la justice et être bloqué par justement les gouvernements. Mais surtout quand tu prends le cas de l'ONU où il suffirait que la Russie mette son droit de veto, les héros peuvent pas intervenir. Ah, mais dans tous les cas, c'est le risque qu'il y a. Hein. T'auras toujours. Si l'organisation n'est pas complète autour de tous les gouvernements, il y a toujours des endroits où ils n'auront plus le droit d'intervenir. Ou sinon, ça va commencer à déclencher des choses. Alors, ce que je vous propose, maintenant qu'on a fait une grande introduction dessus, c'est qu'on a essayé de faire une petite rétrospective de comment ça fonctionne dans les comics. Parce que, bon, comme je l'avais dit, il y a de grandes histoires comme ça où les héros les héros sont affiliés au gouvernement et compagnie. Donc on peut voir donc le premier exemple que tu as cité, c'était Civil War, Nico, et tu avais totalement raison, où suite à un accident causé par des jeunes héros, le gouvernement américain demande aux super-héros de se recenser, et ça se finit en guerre civile parce qu'il y a un oui et il y a un non. En ce qui concerne on peut citer, on l'a déjà cité, mais on va quand même parler de Captain Civil War, où il y avait eu un accident en Afrique. Et les super-héros se sont fait encadrer par l'ONU et ils doivent se recenser. Enfin, même pas se faire recenser. Ils doivent avoir l'accord de l'ONU pour intervenir. Et ça, c'est du côté... Si, c'est après, qui est fait. Parce que chaque héros doit signer la charte et comme ça, ils sont reconnus comme quoi ils font partie des Avengers de l'ONU, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont affiliés à Avengers, c'est donc de l'ONU. Donc voilà. Et alors après, j'ai pas d'autres exemples comme ça, point de vue comics. Je sais pas si tu en as d'autres, Nico, en tête. Ah si, t'as dans Valiant, il me semble que t'as des groupes également. T'as Ninja qui travaille pour le MI6. Ah oui, dans le cas où ça bosse pour le gouvernement, oui, t'as Ninja. Après, même dans Marvel, tu as la partie où, au moment, le Shield existe plus ou moins à moitié, est rempli de super-héros avec Captain America aux commandes. Donc, tu as la plupart des héros qu'on connaît qui doivent traquer les Illuminati, qui du coup travaillent un peu plus pour le gouvernement qu'autre chose. Oui, ils sont totalement sur la traque des Illuminati. Donc, tu as quand même quelques exemples, oui. Après, même. T'avais, pardon, je t'ai coupé, mais tu avais Tony Stark qui était ministre de la Défense, donc qui était pour le gouvernement également, hein, parce que là, il n'y a pas d'autre définition. Et donc, je cherche. Côté DC, par contre, je ne connais pas du tout, donc je compte sur toi. Hein. Alors, côté DC, c'est justement là où j'ai cherché. Au moment des New 52, des New 52 avec le run de Scott Snyder sur Batman, où clairement, quand c'est Jim Gordon qui a repris la relève, il était quand même très affilié à la police de Gotham. T'as le super-héros chinois, Superman, avec un trait d'union entre le super et le man qui est affilié au gouvernement. On entendra plus parler au moment du film de Black Widow, mais chez Marvel, t'as également l'équipe Avengers russe qui travaille. Ah oui, c'est la garde rouge. Je crois que c'est ça, la garde rouge. C'est ça, ouais. Qui travaille pour le gouvernement. C'est à peu près tous les exemples que j'ai. Bon, on peut citer Dredd, Judge Dredd. Bon, là c'est. Non, mais là c'est autre chose. Il est le gouvernement de base, mais. Il n'est pas le gouvernement de base. Il est flic, juge et bourreau. Donc voilà, mais il fait partie de l'exécutif et les juges font partie sont tous affiliés donc au gouvernement. J'ai à peu près fini de chercher. Après, c'est plus dans les mangas, Adri. T'as une idée de comment ça fonctionne dans les mangas, le recensement des super-héros? Effectivement, alors dans My Hero, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il est dévoilé au public, en fait, donc les héros, mais leur surnom. Et eux, par contre, à l'interne, eux, ils ont vraiment une base de fichiers avec les noms, prénoms.